réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Le jour se lève en ce jeudi 7 avril. Bonjour tout le monde, un autre jour est toujours possible, merci de votre fidélité. Les intellectuels français, de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une histoire qui reste à écrire. Dans un instant, le quatrième épisode où il sera question des intellectuels français pendant l'occupation. En deuxième partie, l'actualité culturelle avec le metteur en scène Nabil Azan pour une pièce de théâtre qui se joue actuellement à Paris. Chinoiserie. Je vous sens bonjour. Depuis lundi, vous retracez l'histoire des intellos français depuis la Révolution. Aujourd'hui, dans cet épisode intitulé « Des ténèbres, une nouvelle lumière », on va se concentrer sur la période de l'occupation, puis de la France de l'immédiate après-guerre. Mais pour commencer, comment les intellectuels français les plus en vue, les plus célèbres, vont-ils se comporter en 1940 ? Vous savez que pendant le Vichy, il y a des intellectuels qui viennent de la gauche, qui s'engagent dans la collaboration avec une idéologie plutôt de gauche et soi-disant des valeurs plutôt de gauche. Mais donc, alors, voilà, mais parce que vous sous-entendez, je me sens qu'ils vont faire ces choix uniquement pour avoir une certaine place dans la société, pour être visible. Oui, parce que je n'arrive pas à comprendre les changements des valeurs, des échelles de valeurs. Et il y a de ceux qui n'étaient pas antisémites, et soudain ils deviennent antisémites. Par exemple. Et Dru La Rochelle, si vous voulez. Dru La Rochelle devient antisémite en 38. Vous savez, il était marié avec une femme juive. Et je n'ai pas trouvé dans l'année 20 des propos antisémites. Céline lui-même, si vous voulez, le voyage au bout de la nuit, n'est pas un antisémite. Et il y a une accélération, si vous voulez, de cette menace juive pour pas mal des intellectuels comme pas mal des hommes politiques. Voilà, il y a une accélération de cette haine d'autrui. Et on trouve plus en plus des intellectuels pétainistes, pro-nazis, clairement pro-nazis. Brasillac devient terrible, par exemple, qui est un homme très extrêmement intelligent. Et lui, il va très loin, il parle qu'il faut amener des petites juifs, des enfants, hors de la France, et se débarrasser des juifs de la France. Et Brasillac devient... On peut dire que les intellectuels qui viennent d'Action française sont avant d'antisémites, et il y a des radicalisations de leurs pensées. Mais il y a des intellectuels qui viennent de la gauche, que je peux admettre qu'ils sont moins antisémites en principe. Et par exemple, intellectuel qui devient non politique, comme Marcel Déat, il est engagé en fond dans la collaboration, mais je ne crois pas qu'il était antisémite. Jamais, il n'était pas antisémite. Je dis toujours, l'injure des statuts, l'injure des pouvoirs joue aussi chez l'intellectuel comme chez les hommes politiques. Je ne cache pas, même les intellectuels que j'admire comme écrivains, je sais qu'il y a toujours une partie de lutte pour une capitale symbolique, une capitale de prestige, etc. Donc, je crois que chez Marcel Déat, comme vous avez parlé, je crois, oui, le statut. C'est-à-dire, il était frustré. Et il y a beaucoup des intellectuels frustrés, si vous voulez, qui s'engagent dans la collaboration. Et à cause des raisons, surtout des statuts, et pas les raisons idéologiques. Marcel Aimé, par exemple. Mmh. Il devient intellectuel, un écrivain, engagé avec beaucoup des autres, parce qu'il veut continuer à travailler son travail littéraire, etc. Donc vous dites, d'ailleurs vous avez une belle formule pour parler aussi bien de Marcel Aimé que de, on peut les citer, hein, Jean Cocteau, Henri de Monterland, Jean Giono, vous dites qu'ils pratiquent sous l'occupation une collaboration modérée et normale pour pouvoir continuer à produire tranquillement leurs œuvres. Oui, nous sommes tous un peu comme ça. Et si l'époque est grave, il faut avoir du courage de s'opposer. Est-ce qu'à la Libération, il va y avoir un renouveau du paysage intellectuel français? Puisque vous dites, vous sous-entendez, du moins Shlomo Sand, qu'il va y avoir les nouvelles lumières après la Deuxième Guerre mondiale. À la fois de nouveaux engagements, à la fois de nouveaux rapports de force gauche-droite dans le champ intellectuel, parce que si... dans le champ politique, si vous voulez, De Gaulle arrive au pouvoir, De Gaulle ce n'est pas un homme de gauche, dans le champ intellectuel, il y a une hégémonie, après 45, des intellectuels de gauche. Mais parallèlement à cette tendance, si vous voulez, morale politique, il y a aussi les qualités. C'est-à-dire, on voit la naissance d'une écriture, d'une pensée qui on ne trouve pas dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, Bergson a publié ce grand œuvre avant la Première Guerre mondiale. Et après, on voit la naissance des philosophes comme, si vous voulez, Sartre, qui à la fois c'est un grand intellectuel parce qu'il utilise toutes les armes des verbes. C'est-à-dire, il est écrivain, c'est un homme de théâtre, c'est-à-dire, il écrit des pièces. Et il écrit aussi une philosophie incroyable. Et aussi, il s'engage au fond. L'équivalent, il faut le chercher dans le 18e siècle, ou peut-être des personnages. Mais Victor Hugo n'est pas un philosophe. Et ici, on a un écrivain qui est un philosophe aussi, et un homme politique, c'est-à-dire il s'engage politiquement. À mon avis, probablement les défaites des nations font des biens pour la pensée et la vivacité intellectuelle. Oh, dites-vous ça de bon matin avec ce sourire. Non, parce que les Allemands qui ont perdu la Première Guerre mondiale ont fait naître l'école de Francfort, si vous voulez, une série de philosophes comme Heidegger et des autres. Je parle sur l'entre-deux-guerres. La défaite allemande dans la Première Guerre mondiale et la défaite française dans la Deuxième Guerre mondiale fait naître une richesse intellectuelle incroyable, une qualité auteur tellement importante, et pas seulement Sartre. Parallèlement, il y a Raymond Aron à côté qui vire vers la droite, mais il y a Merleau-Ponty, des gens que moi, très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à ça plus en plus, à cause que ça devient, si vous voulez, la thème moderne. Alors, on peut aimer leur rhétorique, on peut aimer leur philosophie, on peut être admiratif devant leur style, leurs écrits, mais on peut dire que aussi bien Foucault que Sartre vont faire des choix idéologiques pour le moins discutables. Discutables, oui, parce que chacun de nous a ses idées. Et le fait que j'ai mentionné André Breton, par exemple, j'ai fait un hommage, j'ai dédié ce livre à trois intellectuels, si vous voulez, français, qui pour moi sont le plus proche de mes sensibilités. Pourquoi? Parce que je crois que dans la modernité, il y a trois crimes majeurs. Pour moi, c'est-à-dire que chacun peut choisir des autres crimes. Il y a beaucoup de petits crimes. Et nous vivons chaque jour des petits crimes. Mais trois grands crimes et majeurs dans la modernité, c'est le colonialisme, c'est le stalinisme et c'est le nazisme avec le fascisme. Et voilà, il y a très peu des intellectuels en France qui ont gardé, si vous voulez, une position nette et claire en critiquant ces trois crimes majeurs de modernité. Sartre, par exemple, à une époque, il est très doux en face du stalinisme. Il participe à certaines démarches intellectuelles terribles qui couvrent une réalité terrible. Je parle le goulag. Donc, je suis sévère en face de cette position de Sartre face au goulag, mais je suis aussi sévère face à la position d'Albert Camus face aux questions coloniales. C'est-à-dire, je sais que Michel Onfray essaie de gommer ça. Mais moi, comme j'ai découvert, comme Israélien, que Camus a soutenu la guerre de Suez, c'est-à-dire des Britanniques, des Français, des Israéliens contre la naissance du nasserisme en Égypte, et Camus a soutenu cette guerre, comme ses positions équivoques à propos d'Algérie, je suis très critique. Donc, si vous voulez, oui, il y a des intellectuels qui entrent dans le piège, si vous voulez. Et comme on a mentionné auparavant, les intellectuels pro-nazis, oui, qui sont brillants et qui entrent dans le piège des fascismes et du nazisme, et, comme Dreux La Rochelle, par exemple. Donc, si vous voulez, Foucault aussi fait des bêtises avec la révolution iranienne en début, avec sa éloge des imams. Chacun a des, comment dire, des fautes, des faiblesses. Et je n'essaye pas d'idéaliser les intellectuels. Même que pour moi, surtout après 45, la France, vraiment, c'est une France des Lumières, une Athènes moderne. Et... Pourquoi pour vous? Est-ce que pour vous, l'important, c'est que ils alimentent le débat, qu'à la limite, leur prise de position est secondaire. Mais le fait qu'ils soient là pour alimenter le débat, pour qu'il y ait toujours ce débat contradictoire, pour pouvoir laisser entendre les arguments de part et d'autre, est-ce que c'est ça la fonction d'un intellectuel? Parce que ce que vous dites, Shlomo Sand, on va conclure là-dessus, c'est que il y a que les intellectuels français qui pensent pouvoir mobiliser l'opinion publique, que jamais, par exemple, les intellectuels américains ne descendront dans la rue pour demander quoi que ce soit, et vous dites, c'est vraiment une exception culturelle française. Il y a des intellectuels critiques très importants dans le monde entier. On a en Grande-Bretagne. Bien aussi sûr. Mais en France, c'est un autre rapport. Pour expliquer ça, les circulations des idées entre Sartre et un professeur au lycée à Grenoble est plus court qu'entre Chomsky et un professeur du lycée à Los Angeles. Vous comprenez? Les circulations des idées des centres intellectuels avec la pensée critique, etc., en France, est très spécifique. Et qu'il arrive aussi mobilisé. C'est-à-dire, cette prof de lycée connaît des textes de Sartre. Une professeur du lycée américain, ou israélien, si vous voulez, ne connaît pas exactement les pensées critiques des grands intellectuels. Donc, en France, c'est spécifique cette circulation des idées, surtout des idées critiques, surtout à certaines époques. Ce n'est pas pour toujours. Mais je crois que la France a brillé dans l'année 60, par exemple. C'est-à-dire, cette culture des critiques a fait naître, en fin de compte, 68. Il y avait des révoltes des étudiants ailleurs, mais en France, c'était le grand théâtre, comme les Fèvre-Dreyfus. Et demain, nous allons voir comment ce grand théâtre évolue dans le monde d'aujourd'hui. Demain, on parlera des nouveaux philosophes, mais pas seulement, puisqu'on arrivera à parler, j'espère qu'on aura le temps de parler d'aujourd'hui, d'Onfray, de Finkielkraut. Et vous êtes très critique vis-à-vis de Shlomo Sand. On se retrouve demain. Oui, merci. Bonne journée. Des drogués, des feignants alcooliques qui ne pensent qu'à draguer et jouer de la musique, des poètes ratés, intellectuels gauchistes, des pseudo-révoltés, des bourgeois anarchistes. On est tous des tarés, juste bons pour l'asile, des âmes torturées qui s'admirent le nombril, des valeurs falsifiées, des hippies à la manque, des requins de vivier avec un compte en banque. Ça peut paraître drôle, mais c'est nous qu'on vient voir le soir au Music Hall, dans notre meilleur rôle et nos tours dérisoires. On est tous des pédés, des pervers, des immondes, des mendiants cravatés, qui se croient gens du monde, des cadeaux, des paumés, qui se croient gens de lettres, parce qu'ils ont fait rimer deux ou trois chansonnettes. Ça peut paraître drôle, mais c'est nous qu'on vient voir le soir au Music Hall, dans notre meilleur eau et nos tours dérisoires. On est tous des drogués qui ne pensent qu'à draguer, des poètes ratés, des pseudo-révoltés. On est tous des tarés, des âmes torturées, des valeurs falsifiées, des requins de vivier. On est tous des pédés, des mendiants cravatés, qui n'aiment pas travailler, qui ne pensent qu'à briller, des cabots, des paumés, qui parfois font rimer. Je t'aime avec. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin est tout à la fois dramaturge, poète, mais également, ou avant tout, metteur en scène, Nabil El Hazan. Bonjour. Bonjour. Vous mettez en scène actuellement la pièce Chinoiserie, écrite par Evelyne de la Chenelière, qui se joue donc au 20e théâtre à Paris, dans le 20e arrondissement. Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire? Pas tout, hein. Ce sont deux monstres humains. Monstres dans le sens de la figure, évidemment. Puisqu'ils prennent en charge toute la douleur de la solitude dans notre monde contemporain. Comment deux êtres vivant seuls, ils essayent de casser cet isolement en allant l'un vers l'autre et finalement en ne réussissant pas, mais là où la pièce se joue, et c'est ça l'intérêt pour moi, c'est qu'elle se joue dans le fantasme. Elle se joue, on est dans le fantasme de Madame Poté de rencontrer Monsieur Chiton, et on est après dans le fantasme de Monsieur Chiton de rencontrer Madame Poté, ce qui fait qu'ils se rencontrent en effet, et peut-être ils construisent éventuellement, toujours dans le fantasme, et puis on s'aperçoit finalement qu'ils ne se sont pas rencontrés. Est-ce que toute la pièce ne serait qu'une fantaisie, qu'une construction de fantasmes? Si c'est une fantaisie, elle est cruelle. Elle est cruelle parce que, bien sûr, et aussi, je me demande si, parce que je l'ai monté de façon très très très légère, il faut le dire, en allant jusqu'au bout de la question de la fantaisie. Je pense qu'on n'a pas envie d'aller pleurer de la solitude. On pleure suffisamment dans la vie et de la solitude et des drames. On va au théâtre aussi pour, bien sûr, prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, mais aussi pour se divertir. Non pas que je privilégie le divertissement, mais il me semble que c'est un moyen indispensable pour toucher à l'essence de à la fois de l'être et puis de ce que nous éprouvons dans notre vie tous les jours. Donc voilà, ça c'était mon projet, c'était de faire, évidemment, de pointer la solitude, non pas avec les larmes, quand bien même on a quelques larmes qui tomberaient, mais surtout avec le rire et avec la légèreté et avec la fantaisie. C'est notre rôle de genre, ouais, de théâtre. Ouais, et surtout avec deux très grands comédiens. Ils sont vraiment exceptionnels. Jean-Claude Leguet et Christine Murillo. Alors, tout d'abord, ce texte d'Evelyne de la Chenelière, on peut en parler peut-être, parce qu'elle est tout à la fois très connue au Québec, mais pas suffisamment ici. Elle a écrit plusieurs pièces, elle est elle-même comédienne. Comment êtes-vous tombée sur ce texte, sur Chinoiserie, sur cette pièce? Oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, Evelyne de la Chenelière a été connue en France avec une adaptation cinématographique d'une de ses pièces qui s'appelait Monsieur Lazare. Avec Félag, on se souvient. Avec Félag, voilà. Au théâtre, elle a été très peu montée. Cette pièce est très peu montée, même au Canada, alors que la plupart de ses pièces sont très, très connues là-bas. Je l'ai connu, ce texte, en 2006. Je l'avais déjà même mis en lecture comme ça avec des acteurs à l'époque, et puis je l'ai laissé de côté parce que c'est comme ça que ça se passe. On ne monte pas toutes les pièces qu'on a envie de monter pour des diverses raisons. Et il se trouve, puisque vous l'avez nommé si bien, la Christine Murillo, que je retrouve dans ce spectacle Après les pâtissières que j'ai monté il y a 3 ans, qui vient d'achever sa tournée d'ailleurs, j'ai voulu retravailler avec Christine Murillo, et Christine Murillo a eu envie de retravailler avec moi. Et j'ai été à la recherche d'un texte où Christine Murillo aurait un joli parcours à accomplir. Et c'est là que j'ai ressorti tous les textes qui étaient mis de côté. En attente. et je suis retombé sur le même plaisir et la même intrigante question, parce que la pièce soulève beaucoup de questionnements. Elle se joue sur des choses très particulières, puisqu'il y a à la fois la narration, ça c'est très québécois, hein, la narration plus les dialogues, hein, et puis il y a les personnages parlent d'eux surtout à la troisième personne. Monsieur Chiton parle de lui en disant Monsieur Chiton, et brusquement il passe au jeu, et Madame Potet c'est pareil. Donc ça c'est des questions éminemment théâtrales. Comment résoudre ces énigmes, outre l'énigme des personnages eux-mêmes et leur parcours, parce qu'on sait jamais au fond où ça va, où ça vient. On sort de la pièce, on sait qu'ils sont seuls, mais tout ce qu'on a vu c'était quoi? Raison pour laquelle je reviens au fantasme. Et au théâtre, et il me semble que c'est important, que la dimension théâtrale dans le spectacle, on est sur un plateau, même si ça bouge beaucoup, même si il y a un décor, mais c'est quand même, on est au théâtre. Et c'est là que, d'une certaine façon, le miroir se tend. Et c'est là que Evelyne de la Chenelière, bien que très jeune finalement quand elle a écrit ce texte, elle devait avoir 25 ans peut-être, mais il y a une véritable connaissance de du sentiment humain et de la solitude. Alors on rit beaucoup dans cette pièce, mais il y a quand même quelques cadavres. J'en dis pas plus, mais est-ce que vous-même, Nabil El Haazan, vous avez été tenté par actualiser le texte qui a été écrit en 2005? Est-ce que vous avez mis un peu de ce que vous avez vécu ces dernières années, ou est-ce que vous êtes mis sous la torche de l'actualité pour raconter ce drame de solitude dans le monde d'aujourd'hui? Je vous rassure que je n'ai pas mis mes cadavres. bien sûr que je mets des choses dans chaque mise en scène. On rajoute. Alors là, j'ai ouvert sur un monde de références cinématographiques dans ce spectacle, et en particulier en allant chercher dans le cinéma tous les films, quelques films célèbres qui ont abordé des questions, des thèmes, des thématiques qui sont dans le spectacle. Par exemple, Monsieur Chiton qui a intégré sa mère en lui, et donc ça c'est Psycho. Enfin ça, oui, sa mère c'est Psycho de Hitchcock. Ouais. Voilà, donc là j'accentue le trait et je fais référence avec la musique notamment de Psychose. Et puis elle se fait passer pour une Chinoise, donc les deux voisins qui se rencontrent sans se rencontrer vraiment, c'est In the Mood for Love, donc c'était très facile de demander la musique, voilà, etc. Donc voilà, je crois que principalement ce que j'ai comme ça tenté en tout cas de faire, c'est d'apporter un univers de fantaisie. Chinoiserie, une pièce d'Evelyne de la Chenelière avec deux grands comédiens, Jean-Claude Leguet et Christine Muriot. C'est réalisé par Nabil El Haazan, notre invité ce matin. Et la pièce se joue au 20e théâtre à Paris jusqu'au 8 mai. Ranging for revenge with Ate by his side, come hot from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry, Havoc! Alors pour annoncer le week-end spécial Shakespeare, ce week-end sur France Culture, dès demain, un long week-end de Shakespeare pour marquer les 400 ans de sa naissance, je vais vous demander, Nabil El Haazan, de commenter et de vous réapproprier quelques citations célèbres de William Shakespeare. Yes. Celui qui est étourdi croit que le monde tourne en rond. J'ai envie de dire que chacune de ces grandes expressions de Shakespeare qui nous accompagne tous, hein, se prête à une méditation extrêmement profonde sur l'être. Aujourd'hui, il y a toute une polémique sur Shakespeare. A-t-il existé? Est-ce lui qui a écrit? Enfin, je trouve que tout ça est tellement dérisoire par rapport à l'œuvre qui nous est proposée par cet immense dramaturge. Et là où, par exemple, on parlait de tragédie et de comédie tout à l'heure, c'est lui qui a porté ça aussi à sa quintessence, ce mélange, cet indispensable, le complément indispensable de la tragédie, c'est quand même le j'allais dire le ridicule ou le rire qui aide. Avec cette citation que vous venez de dénoncer, tourner en rond, c'est notre devoir en permanence de ne jamais se fixer sur quoi que ce soit. Deuxième citation, très connue, « Mon royaume pour un cheval ». Ben, je l'ai vu dans la mise en scène de Ivo Fanov, il n'y a pas longtemps, au théâtre de Chaillot, et j'étais absolument bouleversé par à la fois le spectacle et puis l'acteur qui... à ce moment-là, c'était pas seulement le My Kingdom for a Horse, mais la question j'ai entendu mon royaume pour du théâtre, quoi. Le théâtre comme ce lieu indispensable à la vie pour dire la vie et pour dire la nécessité de la représentation de l'être humain sur scène. Et enfin, cette époque est désaxée. Oui, ça ramène à quelque chose est pourri dans le royaume de Danemark. Mmh. Je crois que toutes les périodes sont désaxées. Justement. Donc aujourd'hui, comme hier, on est dans des périodes aujourd'hui avec les frontières qui se referment comme ça face aux migrants. Il est évidemment question de quelque chose qui se désaxe, en tout cas ce sur quoi nous avons grandi, toutes ces aspirations, l'accueil, l'hospitalité, que ce soit au Liban, que ce soit en France, hein, qui nous a accueillis, voir les frontières se refermer comme ça, ça se désaxe. La première rencontre avec William Shakespeare, c'était au théâtre, c'était par la lecture, en quelle langue, pardon? C'était en français. En français. Je ne lisais pas, évidemment, je suis de culture arabe et française à Beyrouth avant de venir en France. Mon approche est du théâtre, en tout cas, ça existait à travers les textes disponibles en langue française. Vous avez quel âge pour Je crois que j'avais 16, 17 ans, hein, c'était pas avant. Mais bon, évidemment, j'ai relu Shakespeare après et je n'arrête pas de le relire. C'est des passages à la fois obligés parce que comme tout, enfin, tous les grands romans, pareil, on les lit à 20 ans, c'est pas pareil que quand on les lit à 30, à 40 ou à 50. Ça dit aussi un peu mon âge là, mais chaque fois c'est un plaisir différent et chaque fois c'est une lecture différente. Et des phrases comme ça, vous les lisez aussi selon l'endroit et l'instant où on les lit. Et ça donne des perspectives nouvelles. Merci d'être passé ce matin, Nabil El Hazan. Je vous laisse faire le générique de fin. C'est une autre tradition dans notre émission. Merci à vous. Alors, c'était un autre jour et possible, votre réveil culturel, tous les matins à 6h sur France Culture ou quand vous voulez, avec l'écoute en ligne ou le podcast, disponible en quelques clics en passant par franceculture.fr. Un autre jour est possible est une émission de Toufik Al-Hakim, réalisée par Thomas Duterre avec la collaboration d'Anis Isbert, Pascaline Bonnet et Manuel Couturier. Vous me faites trop d'honneur, c'est pas Toufik Al-Hakim, le grand écrivain égyptien, mais... Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Allez, bonne matinée. Je vous retrouve demain.